إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission ces cours sur une explication résumée des trois principes de base de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés à la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah où il dit, où l'écrivain dit, al-Bukhari rahimahullah a dit, le chapitre, le savoir vient avant la parole et l'acte. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et implore l'absolution de tes péchés. Il a donc débuté par le savoir avant la parole et l'acte. Donc ici, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a cité la parole de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, c'est Abu Abdillah Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, originaire de la ville de Bukhara, située en Extrême-Orient, qui est l'Ouzbékistan actuel. Il est né à la fin du deuxième siècle de l'Hégire, c'est-à-dire en 194. Et il est décédé en 256 à l'âge de 62 ans. Il est l'auteur du fameux recueil qui est connu sous le nom de Sahih al-Bukhari et de nombreux autres ouvrages instructifs et très très bénéfiques. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc dans ce qu'il vient de citer, on peut en tirer comme leçon que l'homme doit donc s'instruire avant tout, puis ensuite œuvrer. Apprendre sa religion lui permettra de l'appliquer avec clairvoyance. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera donc de pratiquer sa religion d'une manière correcte. Après avoir cité cela, le cheikh est passé, donc il fait une série d'introductions avant de commencer à expliquer les trois principes de base. Cette série d'introductions, elle est essentielle. Puis il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que tout musulman ou musulmane se doit de connaître et de mettre en application les points suivants. Le premier, le fait qu'Allah nous a créés, nous a procuré notre subsistance et ne nous a pas laissés sans but. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé les créatures inutilement et il ne les a pas laissées sans objectif, subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, il les a créées pour un but grandiose et pour une sagesse parfaite qui sont tous deux la clé de leur bonheur et de leur réussite. Ce but grandiose et cette sagesse parfaite sont qu'il l'adore lui seul, sans lui associer quoi que ce soit. Comme l'illustre sa parole, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de l'adorer, et ceci dans plusieurs versets, comme Allah ta'ala dit, يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Ainsi dans sa parole, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez donc Allah et ne lui donnez aucun associé. Ainsi que dans sa parole, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Il leur a été commandé cependant de n'adorer qu'Allah en lui vouant un culte exclusif. Ainsi que dans de nombreux versets du Coran. Cet ordre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala implique de lui réserver l'adoration exclusivement. Dans les adorations, il y a plusieurs types d'adorations. Il peut y avoir des adorations qui sont des actes du cœur, comme la peur, l'espérance, la confiance totale, le désir ardent de sa récompense, sa crainte. Tout ceci, on va le voir, inch'Allah, plus en détail. Il y a aussi les actes du corps, comme la salat, le jeûne ou autre. Ainsi, Allah Ta'ala est le seul à mériter l'adoration à l'exclusion de tout autre. Cet ordre de l'adorer consiste aussi à appliquer les ordres d'Allah et de son messager et à délaisser ceux qu'ils ont interdits. Tout ceci est inclus lorsqu'on parle d'adoration. Voici donc en quoi consiste l'islam, al-din, al-iman, al-huda, l'islam, la religion, la foi, la guider. Ainsi, tu ne dois prier que pour Allah, ne t'incliner que pour lui, n'immoler que pour lui, n'invoquer que lui, ne placer ta confiance totale qu'en lui. Quant au fait de demander de l'aide à une personne qui est présente et capable de te l'apporter, ceci est autorisé et n'est pas considéré comme une adoration, tout en gardant son cœur attaché à Allah Tabaraka wa Ta'ala. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant du récit de Moussa alayhi salatu wassalam, a dit: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. L'homme du parti de Moussa l'appela au secours contre son ennemi. En l'occurrence, Moussa alayhi salam était tout à fait capable de le secourir, car il était vivant et présent, proche de lui. Et cette personne lui a demandé une chose que Moussa alayhi salam était capable de faire. En revanche, invoquer un mort, invoquer une personne absente qui n'entend pas, invoquer une statue, invoquer un djinn, invoquer un arbre, invoquer un astre ou toute autre chose est un acte de polythéisme majeur, au sujet duquel Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: Inna shirka la zulmun adhim. Certes, le polythéisme est une injustice énorme. Et il a dit: Wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Il a dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il a dit: Subhanahu wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu feras partie des perdants. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés, nous a pourvus et ne nous a pas laissés en vain. Bien au contraire, il nous a ordonné de l'adorer lui seul, de lui obéir et de délaisser tous les péchés. C'est pour ça que l'écrivain rahimahullah continue en disant: au contraire, il nous a envoyé un messager, quiconque lui obéit entre au paradis et quiconque lui désobéit entre en enfer. La preuve à ce sujet est sa parole subhana: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous vous avons envoyé un messager comme témoin contre vous, de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon avait alors désobéi au messager, puis nous le frappâmes d'un châtiment sévère. Donc Allah Ta'ala nous a envoyé un messager, qui n'est autre que Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a révélé le Coran pour que l'on se guide de sa lumière, pour que l'on applique les ordres qu'il contient et que l'on s'abstienne des interdictions qu'il renferme. Tout ceci eut lieu par la transmission de Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur et le dernier, le sceau des prophètes et des messagers. Il est leur imam, envoyé aux gens pour leur enseigner leur religion. Quiconque obéit à ce messager et se maintient sur sa religion aura le paradis pour récompense. Mais quiconque lui désobéit et s'écarte de sa religion aura le feu de l'enfer pour destinée. Comme Allah Ta'ala a dit, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Nous vous avons envoyé un messager comme témoin contre vous. C'est-à-dire qu'il témoigne de vos actes. Puis, dans le même verset qu'on a cité tout à l'heure, fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Pharaon avait alors désobéi au messager. Puis nous le frappâmes d'un châtiment sévère. C'est-à-dire, nous le saisîmes durement dans la vie d'ici-bas, en le noyant, et dans l'au-delà, par le feu de l'enfer. Le deuxième point qu'il est important à connaître dans cette deuxième introduction, que le cheikh a cité, il dit, le deuxième, Allah ne tolère jamais qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration, ni ange rapproché, ni prophète envoyé. La preuve à ce sujet est sa parole. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. Donc ce deuxième point vient appuyer et corroborer et complémenter le premier. Il consiste à savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne tolère pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. De la même manière qu'il est le seul créateur, pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, il n'accepte pas qu'on lui associe quelque créature que ce soit dans son adoration. Ni ange rapproché, ni prophète envoyé, ni autre chose. Car l'adoration est le droit exclusif d'Allah, tel qu'il l'a dit dans sa parole. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur en a décrété ainsi. N'adorez que lui. Ainsi qu'il l'a stipulé, subhanahu wa ta'ala, dans sa parole, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset que l'on récite tous les jours dans Surat al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Aussi, le polythéisme est le pire des péchés. C'est pour cela que l'obligation de lui vouer exclusivement l'adoration, de même que l'interdiction de lui associer quoi que ce soit, apparaissent dans de nombreux versets. Ainsi, il est nécessaire de joindre ces deux choses suivantes. Croire qu'Allah est le seul créateur pourvoyeur, le seul à donner la vie et la mort, et en même temps, croire qu'il est celui qui mérite l'adoration, qu'elle soit un sacrifice, une prière, un jeûne ou toute autre sorte d'adoration. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Et votre Dieu est une divinité unique. Et il a dit, fala tad'u ma'allahi ahada. N'invoquez donc personne avec lui. Comme on l'a vu dans le verset précédent. Le troisième point que le cheikh cite, rahimahullah, dans ces trois points essentiels qu'il met en deuxième introduction, il dit le troisième, quiconque obéit au prophète et voue un culte exclusif à Allah ne doit jamais s'allier avec quiconque s'oppose à Allah et à son messager, fût-il son plus proche parent. La preuve de cela se trouve dans sa parole. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. N'est-ce pas que le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent? Ce troisième point est un point d'une grande importance primordiale. Elle constitue l'une des plus grandes obligations du musulman et de la musulmane. En effet, ceux-ci doivent savoir qu'il leur est interdit en tant que croyants de s'allier ou d'avoir une affection religieuse à l'égard des mécréants. Tous ceux qui obéissent à Allah et à son messager doivent les prendre comme des ennemis et les détester pour Allah. Quand Allah Ta'ala dit « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier », c'est-à-dire « Tu n'en trouveras pas au Muhammad » parmi ceux qui croient sincèrement à Allah, prendre ceux qui s'opposent à Allah et à son messager pour Ali. Il a également dit à ce sujet, « Ya ayyuhal ladina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimi. » Oh, vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés deviendra l'un d'entre eux. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Puis il a dit, « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. » Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'hostilité et l'antipathie sont déclarées à jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. » Ainsi, il est nécessaire de détester et de réprouver les ennemis d'Allah et d'aimer et de manifester son attachement aux croyants. Tel est le croyant sincère. Il aime les alliés d'Allah et s'associe avec eux dans le bien. De même qu'il hait les ennemis d'Allah, leur est hostile et les considère comme des ennemis. Tout cela pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci n'empêche pas d'être juste et bon avec eux, d'avoir de la miséricorde envers eux, d'avoir des transactions licites avec eux, d'avoir des relations de bon voisinage avec eux, et de les inviter à la religion d'Allah, et même de les accepter en terre d'islam, pour des raisons légiférées et avec des règles spécifiques. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans de nombreux versets de mettre en pratique ce point de la croyance qui est l'alliance et le désaveu. S'allier pour Allah et se désavouer pour Allah. Beaucoup de gens comprennent mal ce point-là entre les laxistes qui veulent faire de toutes les religions une religion unique et comparer la mécréance à la guidée d'un côté et entre les extrémistes de l'autre côté, qui permettent des injustices et des exactions envers les mécréants du fait qu'ils sont mécréants et qu'on a une aversion religieuse contre eux. Alhamdulillah, nous les musulmans, nous ne sommes pas des gens passionnés qui suivent la passion. C'est-à-dire quand on a une aversion religieuse, ce n'est pas une aversion fanatique. Cette aversion religieuse, elle n'empêche pas d'avoir des sentiments de bienfaisance envers eux, c'est-à-dire d'espérer leur guider, d'avoir de la miséricorde pour eux, d'aider les faibles parmi eux, tous ceux qui ne nous déclarent pas d'animosité ou qui ne nous combattent pas directement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de très bonnes relations avec son oncle Abu Talib, qui était un mécréant, qui est mort sur la mécréance. D'ailleurs, il l'aimait, et il aimait sa guider, mais Allah a voulu autrement, on a voulu autrement. Allah a voulu qu'il meure sur la mécréance. De même, il y a aujourd'hui des musulmans qui ont des parents mécréants ou des proches mécréants qui peuvent avoir de l'affection pour eux et des liens de filiation avec eux qui fait qu'il y a des sentiments entre eux. mais ils ne doivent pas être religieux. Ils doivent en même temps porter une haine religieuse envers la voix du mécréant et envers sa personne, et en même temps porter de la miséricorde ou de l'amour pour les proches ou pour les gens qui lui font du bien autour de lui. C'est un amour naturel et non pas religieux. C'est-à-dire, il n'aime pas sa personne en tant que mécréant. Il n'aime pas la religion et la voie sur laquelle il est. Mais ceci ne l'empêche pas à aimer le bien pour lui, à espérer sa guider et à aimer les bonnes qualités qu'il a en lui, dont il profite, par exemple, le bon voisinage, ou bien que c'est un parent ou autre. Ce sujet, en vérité, il serait nécessaire de bien le développer avec toutes les preuves bien détaillées pour que ce soit clair pour tout le monde. Que ce soit pour les musulmans, pour qu'ils connaissent bien ce point et qu'ils le mettent en pratique, car c'est un point de leur dogme et de leur croyance, et aussi pour les mécréants qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien que veut dire pour nous l'alliance et le désaveu. Cela ne veut pas dire que ce que eux veulent en déduire, c'est-à-dire qu'on va leur faire des injustices ou du mal ou autre. Allah ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa barakallahu.